إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، منهج أهل البدع والأهواء. Après avoir vu منهج السلف في العقيدة، منهج أهل البدع والأهواء، la voie que suivit al-Salaf, et comment reconnaître l'aqidat al-Salafiyya, ou hiya aqidat al-Salaf. Le sixième point qu'a ramené l'auteur ici dans sa Risala, c'est la voie des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Wa manhaj ahlu al-bid'a wa al-hawa laysa al-kitab wa al-sunnah. La voie qu'ils suivent, eux, ce n'est pas la voie du Coran et de la Sunna. Ce n'est pas la voie min kitabillahi jalla wa ala, wala min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Or, ils ont innové dans le livre d'Allah et dans la Sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam en ramenant al-ta'wil واتباع الهوى واحتمال احتمادهم على العقل en interprétant les choses d'une certaine manière à leur manière ou à la manière de leur mashayikh ou de leur madhhab. واتباع الهوى en suivant certains en suivant leur passion. Il veut faire telle chose de telle manière ou de telle manière, il suit اتباع الهوى, il suit sa propre passion, sa propre envie. D'autres ont fait rentrer la raison dans la compréhension des textes. Ils ont voulu comprendre les textes, ayat min al-Qur'an ou hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bifahmihi, à sa propre compréhension, comme lui il a voulu raisonner. Wala bifahmi al-salaf. Il n'est pas revenu à salaf, al-salaf al-salih. Radiallahu ta'ala anhum. Wal-ahadith al-da'ifa wal-makdhuba ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ils se sont basés aussi sur des hadiths inventés ou mensongers. Malheureusement, des gens ont inventé des hadiths afin d'appuyer la voie à laquelle ils appellent. Besoin pour appuyer cela, ils ont inventé des hadiths. Al-hadith al-makdhuba ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas hésité pour cela. Ou al-hadith al-da'ifa. Ou bien ils ont utilisé des hadiths faibles. Bis-sanad, par la chaîne de transmission. Ou même certains ont inventé des chaînes de transmission. Mais alhamdulillah, il y a ulama al-hadith, al-muhaddithoun. Heureusement, Allah tabaraka wa ta'ala préserve la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam bil muhaddithin, par les savants du hadith qui eux vérifient les chaînes de transmission et qui ont ilm al-rijal, la science des hommes, c'est-à-dire de la connaissance des hommes, d'où cette science qui est tirée du hadith, le jahr wa ta'dil, l'éloge et la critique et l'éloge par rapport à certaines personnes dans les chaînes de transmission. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, il a mentionné que les gens du livre se sont divisés et cette umma iftaraqa hadhihi al-umma ala 73 firqa. Et cette umma, yani ummatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, al muslimoun al-youm, elle s'est divisée en 73 groupes. Et l'une des choses qui les a divisées, il a mentionné at-ta'wil, l'interprétation. L'interprétation des textes a une autre interprétation que celle de as-salaf as-salih radiyallahu ta'ala anhum, donc une interprétation différente que celle des pieux prédécesseurs. وقال ابن أبي العز رحم الله تعالى افترقت الأمة على 73 فرقة إلا بتأويل الفاسد. Cette communauté s'est divisée en 73 groupes par l'interprétation corrompue, la mauvaise interprétation. Les gens ont cru à un moment donné pouvoir sortir de madhhab al-salaf, sortir de cette voie de salaf. Ils ont cru qu'à un moment ils pourraient comprendre mieux que salaf al-salaf, ou pratiquer mieux que salaf, ou comprendre les choses mieux que salaf, en croyant qu'à notre époque, ce que pensait salaf, tariqat al-salaf, la voie qu'ils ont suivie, elle ne pourrait pas être adaptée à notre époque. Alors ils ont commencé à changer les choses, soi-disant pour les adapter à l'époque d'aujourd'hui. Et ainsi, ils ont délaissé la voie des salafs pour suivre leur propre voie. Et cela dans beaucoup de domaines. Comme la da'wah. Ils ont pensé que la manière de faire da'wah aujourd'hui, il faut utiliser le meilleur da'wah, il faut faire une autre da'wah, selon eux. La manière de prêcher, elle doit être différente, selon eux, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes personnes qu'à l'époque du prophète, selon eux. Aujourd'hui, il faut utiliser d'autres moyens. On ne parle pas des moyens matériels, comme le MP3 ou autre, ça n'a rien à voir. Yani tariqa, la manière de faire da'wah. La manière de faire da'wah. Pour eux, appeler au tawhid aujourd'hui, c'est perdre son temps. Comme ils osent dire, les musulmans sont dans une situation critique. Alors on n'a pas le temps de parler de tawhid. Vous toujours tawhid, tawhid, tawhid, tawhid. Il faut passer à l'action. Comme ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans une situation critique au début de la révélation. Les sahaba ne se sont pas fait torturer au début de la révélation. D'où le fait de toujours revenir à salaf au salaf. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux dans la situation que l'on a connue nous? وأهل البدع والهوى مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال الاستدلال الدليل شيء والاستدلال شيء. Aujourd'hui, beaucoup parmi les innovateurs et les gens qui suivent leur passion, quand ils te ramènent quelque chose, ils te disent هذا من دين الله عز وجل هذا العمل وهو القول أو الاعتقاد. Faut que tu crois à ça. Faut que tu penses comme ça. Faut que tu fasses ça. Faut que tu dises ça. Quand tu dis ma huwa ad-dalil, wa nas'alu ad-dalil, et on demande la preuve à chaque fois, hein? C'est quoi la preuve? Il te ramène un dalil. Ayat min al-Qur'an ou hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou athar as-sahabi. Il te ramène un texte. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre un texte, une preuve, et comment, qu'est-ce que tu vas prouver avec ce texte-là? C'est pour ça que le dalil, ad-dalil, la preuve, c'est une chose. Al-istidlal, le fait de prouver cette chose-là, avec ce texte-là, c'est une autre chose. Et beaucoup sont tombés dans l'erreur, en croyant qu'avec tel hadith ou tel verset, ils pouvaient prouver telle chose et telle chose. Et quand tu lui poses la question, qui t'a devancé dans cet istidlal, dans cette manière de prouver les choses, tu dis, j'ai trouvé ça moi-même. Khata. Pour ça que l'imam Ahmed, rahimallah, il disait, prends garde à toi de parler sur une question religieuse sans qu'il n'y ait pas un grand imam qui t'ait devancé sur cette question. Les ulama doivent vous devancer dans ce que vous dites. on n'est pas apte à sortir des choses de nous-mêmes comme ça. Al-fawa'id, c'est les ulama qui vont les ramener. C'est pas nous, à notre simple, avec notre simple raison, on va pouvoir trouver al-fawa'id al-ilmiyya. On n'a pas le niveau pour dire tel verset il prouve ça, ça, ça, ça et ça et ça. Tel hadith il prouve ça, ça, ça, ça et ça et ça. En al-hawa ou al-bida', ils le font ça, les gens de l'innovation. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'ils n'ont pas de texte pour pouvoir appuyer ce qu'ils veulent, leur manhaj, alors ils vont aller chercher les textes eux-mêmes. Ils sont convaincus d'une chose. Que ce soit un tekfiri, ou tebliri, ou ikhwani, ou ghayruhum. Ils sont convaincus, ils ont un irtiqad, ils ont une croyance, ils croient à certaines choses. Alors ils vont aller chercher, fil kitab ou sunna, ce qui peut prouver leur irtiqad, ce qui va avec ce qu'ils croient être la vérité. Or, al-sunnah, c'est le contraire. Al-sunni, al-salafi, la yaqul, wa la yatakallam, wa la ya'mal, wa la yahtaqid, illa bid-dalil min al-kitabi wa sunnah. Bifam al-salaf al-umma. Celui qui est à la sunna, sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui c'est le contraire de ahlul bid'ah, des gens de l'innovation. Lui il ne croit en rien. Il ne parle pas. Et il ne fait pas tant qu'il n'a pas une preuve tirée du Coran et de la sunna la compréhension de as-salaf as-salaf. Donc c'est le contraire de ahlul bid'ah et wal-hawa qui eux font at-ta'wil, qui vont interpréter de manière à prouver ce qu'ils disent ou ce à quoi ils appellent. C'est pour ça que ad-dalil c'est une chose, wal-istidlal c'est une autre chose. C'est deux domaines à part. C'est pas parce qu'on t'a ramené un dalil qu'il a forcément raison. Et même c'est pas parce qu'il dit la vérité ou une vérité qu'il est forcément dans la vérité. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Abi Hurayra radiallahu anhu. Abu Hurayra il gardait zakat, zakatul mal. Ou zakatul fitr, Allahu a'lam. Il y a quelqu'un qui est venu le voir le soir même, en pleine nuit. Et quand il a regardé les mains ou les pieds de la personne, il lui a dit « Ma anta ». Il n'a pas dit « Man anta », mais il a dit « Ma anta ». Il lui a dit « Qu'est-ce que t'es ?» Parce qu'il dit qu'il a vu à la place des pieds ou des mains des pattes de chien. Il lui a dit « Qu'est-ce que t'es ? Ma anta ?» Il n'a pas dit « Qui es-tu ?» Alors il lui a dit « Je suis un pauvre, kaza, on est des pauvres, kaza, kaza, donne-moi des biens de zakat. » Il lui a dit « Non, non, non, je ne peux pas te donner, je dois les garder, je ne peux pas te donner. » Al-Muhim, il a rapporté l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ce soir, il va revenir. » Il est revenu. Il lui a dit « Donne-nous un peu, kaza, ou kaza, ou kaza, kaza. » Le lendemain, il est parti voir le prophète, il a dit, il est revenu. Il a dit, ce soir, il va revenir. Quand il est revenu, il lui a dit quoi ? Il lui a dit, donne-moi et je te donne une chose, que si tu l'as dit avant de dormir le soir, tu es protégé des shayatines jusqu'au matin. Il lui a dit, c'est quoi ? Il lui a dit, Iqra ayat al-kursi. Lis ayat al-kursi, avant de dormir. Abu Huraira, il est parti voir le prophète, le lendemain. Il lui a raconté l'histoire, il lui a dit, il m'a dit de lire ayat al-kursi avant de dormir. Abu Huraira, il vérifie. Fas'alou ahla dhikri, in kuntum la ta'lamoun. Il vérifie auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit quoi ? Le menteur t'a dit vrai. Le menteur t'a dit la vérité. Hada huwa shaytan. C'était un djinn, min shayatin, un shaytan. Il lui a dit une vérité, qui est de lire ayat al-kursi avant de dormir. Hada haqq. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé ça, qu'il fallait lire ayat al-kursi avant de dormir le soir. Or, c'était un diable. Est-ce que le diable, il est à l'al-haq ? Non. La, abadan. Al-shaytan, laïsa à l'al-haq. Lakin qala kalimat al-haq. Il a dit une parole de vérité. Il a dit quelque chose de vrai, qui est de réciter ayat al-kursi avant de dormir. Et pourtant, c'est un shaytan. C'est pour ça que les ulama, ils ont déduit de ce hadith, c'est pas parce que la personne a dit une vérité qu'il est sur la vérité. Fahimtum? Tayyib. Ahlul bida'i wa la hawa, quelquefois ils disent des paroles de vérité. Or le bien qu'ils disent, il se trouve où à la base? D'où est-ce qu'ils ont pris ce bien? Min al-kitabi wa sunnah. Ils l'ont pris de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. الخير كله في الاتباع. Il y a des choses où ils ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a des choses où ils l'ont contredit. Bil qawl ou bil amal ou bil i'tiqad, par une parole ou par des croyances ou par des actions. À quoi ça va nous servir de ramener le bien qu'ils ont fait? Quand tu vas parler de l'mubtadi'a et de leur manhaj et de leurs fautes et de leurs erreurs, afin que les musulmans ne tombent pas dedans. Certains disent, comme vous dites le mal, vous devez dire le bien. Vous devez équilibrer. Vous devez équilibrer. Mouazanat, vous devez équilibrer la balance. Vous n'avez pas le droit de dire que du mal d'eux. Vous devez dire aussi le bien. Alors que c'est al-mubtadi'a. Cette règle-là, ils l'ont tirée d'où? Ils l'ont tirée du verset sur l'alcool. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, il a mentionné, en ce qui concerne l'alcool, il y a des choses mauvaises et il y a du bien. Mais il y a plus de mal que de bien en vérité dans l'alcool. Alors ils ont dit, vous voyez avec l'alcool, Allah Azza wa Jal l'a mentionné, qu'il y a du char comme il y a du khir. Donc vous devez faire la même chose avec Ahlul Bidah. Ça c'est Ad-Dalil Indahum. Lakin Istidlal Batl. D'où vous avez vu qu'il fallait comparer ce verset avec l'alcool, avec Ahlul Bida'i wal Hawa? Vous dites ce qu'aucun minas sahaba n'a dit ou n'a fait. Tayyib. Cheikh Al-Luhaydan, Hafidhallahu Ta'ala, il mentionne Al-Mushrikoun, Al-Arab min Al-Mushrikin, min Quraysh, ils avaient beaucoup de qualités. C'était des bons commerçants, ils avaient l'hospitalité. Ils recevaient des caravanes, il y avait l'ikram, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient. Les Arabes de l'époque, ils avaient de très bons caractères. Et c'était des hommes courageux, et autres, et autres, et autres, et autres. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala, fi kitabihi al-Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, n'a jamais ramené une seule éloge sur le mushrikin min Quraysh. Jamais une éloge sur eux. طيب. ثانيا, deuxièmement, كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. في الحديث, في إسناد, في السناد, dans la chaîne de transmission, il y a des hommes. Le prophète Sam, il a dit un hadith, il l'a dit à un compagnon. Le compagnon l'a dit à un autre, qu'il l'a dit à un autre, qu'il l'a dit à un autre, jusqu'à ce qu'on arrive à, par exemple, l'imam Bukhari ou l'imam Muslim ou autres savants du hadith. Les ulama, quelquefois, ils vont dire dans tel hadith, hadith da'if. Le hadith, il est faible. Pourquoi? Parce que dans sa chaîne de transmission, il y a un tel, Fulan ibn Fulan. Wa huwa laysa bi thiqa. Et c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et il s'arrête là. Il est arrivé que certaines personnes, elles étaient connues pour leur science, ou pour le qiyam al-lil, ou pour siyam. Et ils n'ont jamais dit, hadha rajoul. هذا الحديث حديث ضعيف لماذا لان في السند في فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ليس بثقه ما قال فلان ابن فلان ليس بثقه لكن هو يصلي في الليل ويصوم في النهار وهو عالم في الفقه او فقيه او محدث او لا ماذا قال في الليل ويصوم في النهار وهو عالم في الفقه او فقيه او محدث او لا ماذا قال ليس بثقه ليس بثقة أو عنده النقص في العقل أو مريض أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. Dans les chaînes de transmission, à chaque fois qu'ils ont mentionné le défaut de la personne, ils n'ont jamais ramené son bien. Parce que le bien, ça sert à quoi de le ramener ici? À partir du moment où il a tel défaut, on ne peut pas prendre le hadith de cette personne-là. Alors, ça sert à quoi de dire à la fin, mais c'est vrai qu'il est faible, cette personne-là, dans le hadith, il avait un problème de mémorisation, ou bien il n'est pas digne de confiance, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui priait la nuit, qui jeûnait la journée, c'était un savant dans le fiqh, c'était. Et bien ça, dans le kutub al-ahadith, وكتوب المحدثين vous trouvez pas ça chez les gens de la sunna. Quand l'imam Bukhari dit هذا الحديث ضعيف, le hadith il est faible. Pourquoi? Parce que dedans il y a un tel et un tel il n'est pas digne de confiance. Ça s'arrête là. Il ramène jamais le bien de la personne. Donc cette règle là, elle vient d'où? Qu'il faut ramener le bien à chaque fois. Que quand tu préviens contre un danger, il faut ramener à chaque fois le bien. C'est mentionné nulle part. Et celui qui dit ça, comme il a dit Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhallahu ta'ala, c'est comme si il avait rabaissé as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Parce que as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum, à chaque fois qu'ils ont fait un radda ala al-mubtadi'a, ils n'ont jamais ramené le bien de ce qu'ils ont fait. Quand ils parlaient sur le khawarij, ils ne disaient pas que c'était des hommes pieux. Ils ne disaient pas que c'était des hommes sincères. Ils ne disaient pas que c'était... Là. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج لا يفقهون شيئا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ils ne comprennent rien de la religion. وكلاب أهل النار. Ils sont les chiens des gens de l'enfer. Est-ce qu'il a fait leurs éloges? Est-ce qu'il a dit c'est des gens courageux, c'est des gens qui sont forts, c'est des gens qui lisent beaucoup le Coran, qui font beaucoup de siyam? Il l'a dit, mais dans quel sens? Dans le sens où ils font ça pour rien. Il a mentionné, ils lisent beaucoup le Coran. Quand vous allez voir comment ils prient, comment ils jeûnent, vous allez détester votre jeûne et votre prière. Il a dit ça, sahaba. Mais dans quel sens il leur a dit? Est-ce que c'est pour faire leurs éloges? Non. Mais il a bien dit quoi? Leur récitation du Coran, elle ne dépasse pas l'œsophage, la gorge. Donc la règle, le fait de ramener le bien des gens de Ahlul Bidah, elle n'existe pas. Elle n'est pas fondée. C'est de l'istidlal qu'ils ont fait. Ils ont pris des hadiths là comme ça, ils ont voulu prouver que quand tu mentionnes et tu es averti contre les gens de l'innovation, tu te dois de dire le bien. Ça, chez les gens de la sunna, ça n'existe pas. On prévient contre le mal et c'est tout. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une sahabia, elle est venue le voir, elle lui a dit, il y a un tel et un tel qui me demandent en mariage. Il a dit, le premier, il est pauvre et il n'a rien. Le deuxième, il a le bâton sur l'épaule. On dit qu'il voyage beaucoup, yani tu ne vas pas le voir beaucoup. Lui. D'autres, ils ont dit, il tape avec le bâton. Et il s'arrêtait là. Est-ce qu'il a dit, هذا رجل, cet homme-là, là, il est pauvre, mais attention, il fait qiyam al-layl, il jeûne, il fait des sadaqat, et kada, ou kada, ou kada. Est-ce qu'il a dit sur celui qui a le bâton, c'est vrai, il part tout le temps en voyage, ou bien il a le bâton, il tape beaucoup avec son bâton, mais... رجل صالح وهو من أهل التقوى ومن الصالحين ويقيم في الليل ويصوم في النهار ما قال هذا. Il n'a rien dit. Il a prévenu. Celui-là, il est pauvre. Celui-ci, il a le bâton sur l'épaule. Et ça s'arrête là. Est-ce qu'il a ramené leur bien? Non. Parce qu'il prévient cette femme-là. Il dit, attention, un tel et un tel, tu les demandes en mariage? Ils t'ont demandé? Celui-là, je te préviens, il est pauvre. Et ce n'est pas de la médisance, parce qu'il prévient. Quand c'est pour prévenir, ce n'est pas de la médisance. Donc on tombe encore sur une autre règle. Et on la verra plus tard, Inch'Allah, puisque l'auteur, il l'a mentionné dans son livre. Il n'y a pas de médisance sur Al-Mubtadi'a. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu préviens les gens de la communauté contre une innovation ou un innovateur, ce n'est pas de la médisance, parce que tu préviens contre un danger. Mais on y reviendra, Inch'Allah, Ta'ala. Tayyib. Septième chapitre qu'il a ramené, c'est le chemin de la sauvegarde. وهو بالاتباع وترك الابتداع, qui est le fait de suivre et de ne pas innover. Le fait de suivre la sunna, de suivre as-salaf as-salih et de ne pas innover dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, rahimallah, il disait la religion, elle se repose sur deux bases. D'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. وَلَا نَعْبُدُهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. D'adorer Allah seul. Et de ne l'adorer que parce qu'il a légiféré. يعني بالكتاب والسنة. بفهم الصحيح. Bien sûr, à la bonne compréhension. La na'buduhu bil bid'ah. كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما الله تبارك وتعالى لدي et de ne pas l'invoquer par de ne pas l'adorer par l'innovation. Comme Allah a dit: فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, فليعمل عملا صالحا, qu'il fasse la bonne action, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, et qu'il n'associe rien avec son Seigneur dans l'adoration. الأول الاتباع والثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى. Ici, Allah تبارك وتعالى فقد أمر الله عز وجل في هذه الآية أن يكون العمل صالحا, أي موافقا للسنة, ثم أمر بالإخلاص. Ici, Allah تبارك وتعالى a ordonné de l'adorer par la bonne action, c'est-à-dire muwafiqan li sunnah, qu'elle soit conforme à la sunnah. Amalan sarihan, la bonne action. C'est quoi la bonne action? C'est celle qui est conforme au Coran et à la sunnah. Il a ordonné deuxièmement, lorsqu'il a dit wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Là, il a ordonné la sincérité. Or, vous savez bien que les deux conditions pour que ton action soit acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'elle soit, que tu sois sincère avec Allah, que tu le fasses que pour Allah tabaraka wa ta'ala, et que tu ne partages cette adoration avec personne. Quand ils ont dit as-salaf as-salih, la sincérité, c'est que tu caches tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Une autre définition qu'ils ont donnée de la sincérité, c'est de ne chercher comme témoin de tes bonnes actions qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne cherches pas un autre qui témoigne de tes bonnes actions. كالله سبحانه وتعالى هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى ثانيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم et ça c'est prouvé par deux hadiths que l'on ne sépare jamais الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عند الله تبارك وتعالى dans le premier rapporté par le Bukhari et Muslim lorsque le prophète a dit chaque acte ne vaut que par son intention et chacun sera rétribué selon ses intentions. Ou qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. On ne leur a ordonné que d'adorer Allah seul d'un culte exclusif, d'un culte pur. La sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le deuxième hadith, le prophète a dit ara au muslim, apporté par l'imam Muslim rahimahullah, celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, elle sera rejetée. طيب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا في تفسيره dans le tafsir de cette de ce verset le verset فمن كان يرجو لقاء ربه celui qui espère la rencontre de son seigneur فليعمل عملا صالحا qu'il fasse la bonne action ولا يشرك بعبادة ربه احدا et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son seigneur avec lui. Al-Hafidh ibn Kathir, rahmallah, il expliquait dans le tafsir, il a dit ce sont les deux piliers de l'action pour qu'elle soit acceptée. ثم قال ولا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى صوابا على الشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et il faut que ton action soit sincère envers Allah, صوابا الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, et qu'elle soit conforme à la sharia du messager d'Allah, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ikhlasul ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu thumma al-mutaba'atu li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et deuxièmement le suivi du messager d'Allah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fa'budillaha mukhlishan lad-din, Allah azza wa jalla aussi demander et ordonner la sincérité et adore Allah avec une pure sincérité, adore Allah sincèrement, hein? Adore Allah sincèrement. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أعنى الشركاء يعني الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل جيد عن الحديث القدوسي أو الحديث الإلهي أو الرباني il a dit الله تبارك وتعالى في الحديث je suis plus riche que ce qu'on m'associe quant à celui qui fait une action عمل عملا أشرك فيه أشرك معي فيه غيري et il associe il m'associe dans son action avec quelqu'un d'autre que moi تركتهم شركه je l'abandonne lui et son shirk يعني مردود l'acte est rejeté si Allah عز وجل abandonne ton action c'est qu'il ne veut pas de ton action donc il la rejette طيب وخلى الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا aujourd'hui أكملت لكم دينكم aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Lorsque les juifs ils ont entendu ça, ce verset-là, venant des musulmans, ils ont dit à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, vous avez un verset que si c'est nous qui l'avions, nous en aurions fait Yom al-Eid, un jour de fête. Il lui a dit lequel ? Et il lui a récité ce verset. Le Yahoudi lui a dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Tayyib. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي j'ai parfait sur vous mon bienfait يعني l'islam وَرَدِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ et je n'agrée de vous comme religion que l'islam الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ si Allah عز وجل il dit lui-même الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ aujourd'hui j'ai parachevé votre religion ça veut dire quelle que soit l'adoration tu sais comment la faire et elle se trouve dans le Coran et la Sunna. La manière de faire cette adoration, elle est mentionnée dans le Coran et la Sunna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. C'est pour ça que As-Salaf as-Salih elle disait toute chose, toute adoration, entre parenthèses adoration, qui vient après ce verset, hadi bid'ah, est une innovation. Toute chose qui vient après ce verset-là, Wallah dit akmaltu lakum dinakum, j'ai complété, j'ai parachevé votre religion. Toute personne qui vient avec quelque chose d'autre que ça, après ce verset-là, après qu'il a été révélé, c'est une bid'a. Pourquoi ? Parce qu'Allah, ça y est, Allah tabaraka wa ta'ala, a parfait et a complété sa religion. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever, rien à transformer. Tayyib. وفي الاتباع قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a Et certes, il y a dans le messager d'Allah, Uswatun Hasana, le meilleur des exemples. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلِمُ الْأَخِيرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Pour celui qui espère la rencontre avec Allah et le jour dernier, qui espère la rencontre avec Allah et le jour dernier, et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Uswatun Hasana. Pourquoi vous voulez changer cette religion d'Allah tabaraka wa ta'ala alors que vous avez le meilleur des exemples chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam? Pourquoi vous voulez changer la manière de faire da'wah alors que vous avez la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple? Et lorsqu'il a emmené les gens, il a envoyé les gens pour faire da'wah lui-même lorsqu'il a commencé cette da'wah, bada'a bit-tawhid. Bada'a bit-tawhidillahi azza wa jal. دعوات الأنبياء والرسول أولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله تبارك وتعالى في العبادة بدون الشرك ولا بدع ولا معدثات Tous les prophètes ont été envoyés pour adorer Allah seul et pour ordonner de commencer par ça. Rien d'autre, pas commencer par autre chose. De commencer بتوحيد الله عز وجل. Combien de versions on trouve où chaque prophète il vient à son peuple et dit "Ubudu Allah wa la tushriku billahi shay'an aw ahadan". Or, al-mubtadi'a, les gens de l'innovation, ils veulent venir avec d'autres méthodes en disant "Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, les gens qu'on a en face de nous, c'est des jeunes. Alors, il faut rentrer par le social, il faut changer la manière de faire da'wa pour l'adapter à nos jeunes." Subhanallah. Nos jeunes d'aujourd'hui sont pires que les gens de Quraysh de l'époque. Mais nos jeunes d'aujourd'hui, ils ont enterré des filles vivantes. Ce que faisait Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là. T'abdab et Tawhid. Tu commences par Tawhid, ya akhi. Si tu veux que les gens changent, il faut que les gens changent. Ils changeront bit Tawhid illahi azza wa jal. En connaissant leur Seigneur. Plus tu vas connaître Allah, tabaraka wa ta'ala. Plus on va te parler d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Plus ton cœur, il va commencer à changer. Parce que celui dont on te parle, qui est Allah azza wa jal, tu vas te mettre à l'aimer. Plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer, subhanahu wa ta'ala. Plus son serviteur va le craindre, plus il va espérer en lui, plus il va avoir confiance en lui, au fur et à mesure qu'il apprend qui est vraiment Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, où il a envoyé Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, kadhalik, il leur a dit quoi? La première chose à laquelle vous appelez les gens, c'est la ilaha illallah, wa Muhammad al-Rasulullah. Al-Ikhlas wa ittiba' al-Sunnah. C'est ça le manhaj de la da'wa. Tu n'appelles pas les gens à ta propre personne, ni à ton madhhab. Tu appelles au madhhab al-salaf. T'ad'u ilallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Qul ad'u ila man? Ilallah. Dis, j'appelle Allah. Awalan. J'appelle Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ici l'ordonne son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis, j'appelle Allah. Est-ce qu'il a mentionné quelque chose avant? La ilaha illallah. Sans la ilaha illallah, ta prière, elle vaut rien. Ton jeûne ne vaut rien. Ta zakat, elle vaut rien. Ton jeûne, il vaut rien. Ton hajj, il vaut rien. Aucune ibadah n'est acceptée tant que tu ne témoignes pas de la ilaha illallah. Wa Muhammad al-Rasulullah. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Arkanul Islam, ce sont les piliers. Qu'est-ce qui fait un pilier? Il tient. Et le plus grand des piliers, le premier pilier, c'est la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Or, Shaitan, il a joué avec les gens. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, si tu remarques bien, les gens font leur ramadan, mais ne font pas la prière. Subhanallah. Les gens, ils font ramadan. En plus, avec difficulté, ils le font, mais ils ne font pas la prière. Subhanallah. Alors que la prière, elle est le deuxième pilier de l'islam. Elle passe avant zakat et avant ramadan. Et même avant ramadan, il y a zakat. Or, les gens ne se soucient pas de leur zakat. وَيَلْعَبْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. Il joue avec certains parmi les musulmans. Alhamdulillah, pas tous. Uswatun hasana. Or, aujourd'hui, lorsque tu appelles les gens à la sunna, que ce soit l'irtiqadiyya, ou l'qalbiyya, ou l'qawliyya, ou l'fi'liyya, les gens se trouvent toujours des excuses. Une chose simple, lorsque tu parles du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné tout ce qui va en dessous des chevilles va au feu. Ça ne concerne que les hommes, bien sûr. Le prophète a mentionné tout ce qui est en dessous des chevilles va au feu. Ça veut dire qu'il est interdit à l'homme que son vêtement tombe en dessous de ses chevilles. Certains disent, mais Ali Ari, hadith Abu Bakr. Abu Bakr, c'est-à-dire qu'il avait un de ses vêtements, un côté qui descendait sur ses chevilles. Et le prophète lui a dit, mais toi, tu ne le fais pas avec orgueil. Donc ils ont été dire, vous voyez, dalil. Ça, c'est leur dalil. Leur istidlal, c'est ça. Pour prouver ce qu'ils veulent dire, au lieu de suivre tout simplement la sunna. Leur dalil, c'est ça. C'est ce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire, ils vont ramener ça comme dalil. L'istidlal, c'est ça pour eux. La manière de prouver, ça va être ça. Tant que tu ne le fais pas par orgueil, c'est bon. Ad-dalil, hadith Abu Bakr Saddiq. Hadith Abu Bakr Saddiq, radiallahu anhu. C'est que lui, il ne le faisait pas par orgueil. Le prophète lui a dit, toi, tu ne le fais pas par orgueil. Awalan, hadith taskiyatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala Abu Bakr, radiallahu anhu. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète il lit dans le cœur des gens? Là. Comment il a su qu'Abu Bakr ne le faisait pas avec orgueil? Qui l'en a informé? Allah tabaraka wa ta'ala. Seul Allah azza wa jal sait ce qu'il y a fil le quloub. Or le kibr, l'orgueil, min amal al qalb, c'est une action du cœur. Le prophète ne pouvait pas savoir qu'Abu Bakr le fait avec orgueil ou pas, que si Allah tabaraka wa ta'ala l'en informe. Ça, c'est la première chose que disent les ulama sur ce hadith. Thaniyan, hada khassa ala Abi Bakr radiallahu anhu. Il a dit, toi, Abu Bakr, tu ne le fais pas avec orgueil. Il a parlé à tout le monde? Il a parlé à toi, à moi, ou à ces gens-là? Non. Il n'a parlé qu'au prophète. Toi, Abu Bakr. C'est une tazkiya de Abu Bakr sur lui. Que sur Abu Bakr radiallahu anhu. Thaniyan, c'est un des côtés qui descendait, non pas les deux. استدلال باطل. Alors qu'il y a de nombreux hadiths, comme le hadith rawahu Tirmidhi, wa huwa sahih, عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه, où un homme il marche et il entend une voix derrière lui qui lui dit: remonte le vêtement au-dessus de tes chevilles. Et il se retourne, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: mais je ne le fais pas avec orgueil, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je ne le fais pas avec orgueil. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Je ne te suffis pas comme exemple. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Uswatun Hasana, je ne te suffis pas comme exemple. Kadhalik al-lahya. Celui qui ne l'a pas, il ne l'a pas. Bain Allah ou bainahu. Entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa hadha min al-kaba'ir. Naqulu al-haq. On n'est pas là pour cacher la vérité. On se doit de dire la vérité. Après, c'est entre la personne et son Seigneur. Mais on ne peut pas lui dire, mais allez, c'est pas grave. Là, on est obligé de dire la vérité comme elle est. On ne peut pas la cacher, la vérité. Après, il verra ça avec son Seigneur, entre lui et son Seigneur. Le fait de ne pas le faire, il ne le fait pas. Mais il y a certaines personnes qui ne le font pas et qui légitiment ça et qui ramènent leur dalil à eux aussi. Tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais ne change pas la religion pour légitimer ce que tu fais. Ne change pas la religion pour légitimer ce que tu fais. Parce que tous les prophètes, ils l'avaient. Et le prophète Sam lui-même l'a ordonné. Jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha disait: louange à Allah qui a embelli les hommes par la barbe. Billahia. Est-ce qu'il y a besoin de ramener l'istidlal? Non. Hadi min sunnah. Uswatun hasana. Le prophète, il l'avait ou il ne l'avait pas? Il l'avait. Et Allah Azza wa Jalla l'a mentionné comme étant uswatun hasana, le meilleur des exemples. Donc si la personne, elle ne l'a pas, elle ne l'a pas. Mais qu'il ne dise pas, dans la religion d'Allah, c'est permis de ne pas l'avoir. Là, il a menti sur le prophète. Alors s'il dit, ana min ad-du'af, ana da'if, rajulun da'if bil iman, wa kada wa kada wa kada, lakin fi din, dinullah, dinullah. La religion d'Allah, c'est la religion d'Allah, il ne faut pas toucher. Alhamdulillah, rabbil alamin. On espère pour lui qu'il va revenir là-dessus. Et ils ont fait ça avec beaucoup de choses qui sont de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à mentionner que le siwak, siwak al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, hadi sunna. Ils ont dit, c'est quoi? Ça, c'est rien, c'est des épluchures. Ma hadha, subhanallah al-azim. As-salaf al-salih, radiallahu ta'ala anhum, يعلمون أن الحسنة واحدة هي السبب للدخول في الجنة دخول الجنة عمل عمل فقط ومن العمل الصالح السواك هذه سنة يدي حديث sur السواك c'est donc une sunna et le prophète Sam le faisait lui-même et ils ont été dire quoi mais ça c'est rien c'est des épluchures c'est eux la différence entre eux et la différence entre salaf ou salih. As-salaf ou salih, ils savaient que yom al-qiyamah, une seule bonne action, elle peut faire basculer quoi? La balance du bon côté. Et que cette seule bonne action, elle peut être la cause qu'il rentre au paradis. Wa min al-amal ou salih, as-siwak. Tariqatu ahlul bidah wa la hawa. C'est ça le chemin des gens de l'innovation. C'est toujours de camoufler, de cacher, de faire disparaître les choses et d'embellir la bid'a et de faire disparaître la sunna. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب, si tu dis que tu ne veux pas suivre telle chose ou telle chose alors qu'elle est dans la sunna et tu trouves en plus des prétextes, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Et ce qu'on appelle le verset du défi, yani. Si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez Allah, suivez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yuhbibukum Allah, et Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Même sans dalil, il suit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. طيب ومن السنة أحاديث كثيرة. Il y a beaucoup d'ahadiths qui prouvent le suivi du prophète sallam, hadith an-nabi sallam comme on l'a déjà ramené, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di, addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Le hadith suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi et accrochez-vous fermement à elle jusqu'à la fin du hadith. On a déjà ramené An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi mentionné dans le hadith. Je vous laisse deux choses. Si vous vous accrochez fermement à elle, l'an tadillu, vous ne jamais, jamais vous ne allez vous égarer. Ba'di kitabullah wa sunnati, le livre d'Allah et ma sunnah. Jamais vous allez l'an tadillu, l'an, jamais vous ne pourrez vous égarer. Mais c'est quoi la condition? Que vous soyez fermement accroché au Coran et à la sunnah. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, elle sera rejetée. طيب وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Accrochez-vous fermement à l'anse d'Allah, يعني الكتاب والسنة, au Coran et la Sunna. جميعا, tous. Sinon quoi? Voilà tafarraqu, et ne vous divisez pas. Ici, les ulama, ils ont dit que si on ne s'accroche pas au Coran, à la Sunna, on tombera dans la deuxième partie du hadith, du verset. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tous accrochez-vous à la corde d'Allah. Le kitab wa sunna. Bihablillah. Hablullah, kitab Allah. Wa sunnati ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jami'an. Kulluhum. Thumma qal. Voilà tafarraqu, et ne vous divisez pas. Parce qu'à partir du moment où on sort du Coran à la Sunna et on ne s'accroche plus au Coran à la Sunna, on fait quoi? On fait la division. Donc qui fait la division? C'est celui qui est à la Sunna, qui est sur la Sunna, et qui dit aux autres, attention, attention aux innovations, et attention aux groupes égarés et qui égarent les gens par leurs innovations. Ou bien c'est celui qui dit rien et qui laisse partir les gens comme ça. On doit dire le bien, mais on ne doit jamais dire le mal. Et on nous a fait croire que la critique, elle est interdite. Alors les gens, les innovateurs ainsi que ceux qui suivent leur passion, ils disent à haute voix, les critiqueurs, les salafiyoun ne savent que critiquer. Subhanallah. As-sahaba, radiallahu, ils n'ont pas critiqué Ahlul Bidah. Et c'est pas la peine de dire, comme ils disent eux, oui, mais entre salaf et vous, il y a une différence. C'est qu'eux, ils avaient une certaine hikmah, ils avaient une certaine sagesse. Alors que vous, vous ne faites que crier et critiquer. Il n'y a pas de doute que peut-être certains frères, ils font des erreurs dans leur da'wah. Hum salafiyoun, mais qui font des erreurs dans leur da'wah ou dans le fait d'interdire le blâmable. C'est possible. Al-ma'soum an asam Allah. N'est sauvegardé que celui qu'Allah sauvegarde. Mais on lui répond comme les ulama, ils ont répondu. C'est pas les frères qu'il faut regarder. Il faut regarder qu'est-ce qu'il dit le manhaj. Mada qala al-manhaj. Wala fulan wa fulan wa fulan. Vous voulez critiquer les frères salafis? Non. Des manquements, il y en aura chez les gens. Parce que tout le monde a des manquements. Regardez qu'est-ce qu'il dit le manhaj. Or, dans le manhaj, il est clair et net qu'il y a toujours eu la prévention contre les gens de l'innovation. Et que la critique, elle a toujours existé contre le shirk, contre le kufr, ou le nifaq, ou le bid'ah, ou le fusq, ou le shar kullu. La critique, elle a toujours existé pour prévenir. Ce qui est critiquable, on se doit de le critiquer. Là où il n'y a pas à critiquer, on ne critique pas. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui seront dans fil roulou, dans l'exagération. Mais nous, on parle du manhaj. Qu'est-ce qu'il dit le manhaj? Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le kitab? Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans la sunna? C'est le manhaj qu'il faut regarder, non pas les gens comment ils se comportent. Parce que les gens ont tous des manquements. Forcément. D'où ce conseil précieux qu'a donné Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, qu'il donnait aux convertis. N'apprenez pas l'islam en regardant les gens. Apprenez l'islam minan nusus, à partir des textes. Parce que dans les textes, vous avez comment il était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, véritablement. Et comment ils étaient, as-sahaba, radiallahu ta'ala, anhum. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله أوبيسي الله يا سوميساجي أوبيسي الله إي أسوميساجي يعني الكتاب والسنة. وقال ابن كثير اطيعوا الله فاتبعوا كتابه. ابن كثير il a dit quand Allah il a dit obéissez à Allah, c'est-à-dire suivez son livre, le livre d'Allah. واتعوا الرسول خذوا سنته. Et obéissez au messager, c'est-à-dire, Ibn Kathir il a dit, c'est-à-dire, accrochez-vous à cette sunna, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ay, ittabi'u sunnatahu. Suivez sa sunna. Suivez sa sunna. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay, farudduhu ila Allahi wa rasuli. Si vous avez quelque chose, vous divergez sur une chose, renvoyez-le à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, comment on va faire? كيف نرد إلى الله ورسوله؟ نرد إلى الكتاب والسنة؟ قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Aujourd'hui, le prophète n'est plus parmi nous, ni salaf salih. Alors il faut revenir à ceux qui le suivent et qui sont les héritiers, les prophètes. هم العلماء. لكن العلماء من أهل السنة. On se doit de revenir aux ulama. Un tel il dit ça ou tel groupe il dit ça. طيب ماذا قال أهل العلم؟ Qu'est-ce qu'ils disent les gens de science? Et on se doit de revenir à eux. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné. Or, lorsque tu parles avec le Mubtadi'a, il te dit « Ada, Cheikh Foulan, Cheikh Ben Baz, ou l'Uthimin, ou l'Albani, ou Cheikh Mugbil, ou Cheikh Rabi', ou l'Fawzan, ou gairuhum, kulluhum ulama sultan. » Il te dit « C'est l'ulama ça, mais non, non, ça c'est l'ulama là, c'est l'ulama du gouverneur, c'est l'ulama du roi. Ça sert à rien qu'on revienne à eux, on ne prend pas d'eux. » Subhanallah. C'est exactement ce qu'il leur a dit Abdullah ibn Abbas au Khawarij. Il leur a dit, est-ce que vous ne voyez pas que dans vos rangs, il n'y a pas un seul compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il n'y a pas un sahabi avec vous. Kadhalik fi hadha zaman, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a pas un seul des grands savants de Al-Sunnah qui est avec vous. Or, vous avez trouvé des petits pour dire ce que vous dites. Pour vous appuyer ce que vous dites. Hal Cheikh Ben Baz ma'akoum? Hal Cheikh Al-Albani ma'akoum? Fi aqwarikoum? Wa ala manhajikoum? Hal Cheikh Ibn Salah Al-Uthaymin rahimahullah ma'akoum? Hal Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala ma'akoum? Hal Cheikh Rabi' Al-Madkhali ma'akoum? Cheikh Salah Al-Fawzan ma'akoum? Ila akhiri, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad wa ghayruhum min kibar ulama? Il n'y en a pas un qui a le même manhaj que eux. Ou bien ils te disent les vrais ulama, c'est les ulama qui sont en prison. Makhala jama'at al-takfir. Subhanallah. Comme il a répondu Cheikh Mourbil à ces gens-là, il a dit comment tu veux parler avec des gens qui souhaitent le mal pour leurs savants? C'est ça qui fait l'ilm d'une personne, c'est qu'il a été en prison. Comme il a été Saïd Qutb, parce qu'il a été en prison, ça fait de lui Ahadou min Ahlil Ilm. Comme il a été questionné, Cheikh Salah Al-Fawzan, sur Saïd Qutb, quand les gens ils ont dit, ils le font ressembler à l'imam Ahmed. Mada qala Cheikh? Qala hadha zulm. Il a dit, c'est de l'injustice que de comparer Saïd Qutb avec l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimallahu ta'ala. Et parce qu'il a été en prison, ça fait de lui quelqu'un min Ahlil Ilm. C'est la prison qui a prouvé qu'il a de la science. Mais où est l'ilm? L'ilm, le kitab Allah. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قال ابن القيم رحمه الله. La science c'est pas je dis ou j'ai fait de la prison ou ceci ou cela. Non, la science c'est la personne elle dit ce qu'Allah dit, ce que le prophète صلى الله عليه وسلم dit, ce que sahaba رضي الله عنهم ils disent. بفهم الصحيح بفهم السلف الأمة. À la compréhension de ceux qui ont le mieux compris l'islam, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Ajma'in barakallahu li wa lakum.